Chapitre 12e. La philosophie et la mort de la femme. Lorsqu'on interroge jusqu'au fond l'âme de la femme du XVIIIe siècle, et qu'on lui demande son principe, sa loi, la règle qui se laisse apercevoir dans la conscience de son sexe, n'est point une règle religieuse, une règle divine, une règle consacrée par une foi. Elle est cette règle absolument et entièrement humaine que la femme du temps appelle une petite philosophie, c'est-à-dire un plan de conduite qui précède les actions, un dessein dans lequel il faut essayer de faire tenir la vie, pour ne pas marcher à l'aventure, une façon de tirer parti de sa raison pour son bonheur. Cette philosophie que la femme se crée pour son besoin, aussi bien que pour son excuse, met son premier et son dernier mot, son but et sa fin, dans le bonheur. Simple de formule, de pratique facile, légitimant toutes les aspirations naturelles de la femme, elle n'exige d'elle que la modération de l'égoïsme et le sacrifice des excès. Le plus haut point de perfection de cette sagesse épicurienne est d'atteindre la ferme persuasion qu'il n'y a rien autre chose à faire en ce monde qu'à être heureux. Et la recommandation qu'elle répète, le mode d'avancement qu'elle indique, est de ne tendre qu'aux sensations et aux sentiments agréables. Cette sagesse admet bien qu'il faut aimer la vertu, mais elle n'exige pas qu'on l'aime parce qu'elle est la vertu, qu'on l'aime pour elle-même. Elle la conseille seulement comme une sorte de sobriété nécessaire au bonheur. Elle veut qu'on ait une bonne conscience, mais seulement pour être bien avec soi-même, par la même raison qu'il faut être logé commodément chez soi. C'est d'un bout à l'autre, et de précepte en précepte, une doctrine qui aime ses aises, qui cherche les commodités morales, un régime sans rigueur ressemblant à une douce et complaisante hygiène de l'âme, et qui ne vise qu'à tenir le cœur et l'esprit dans une assiette tranquille, et dans ces quatre grandes conditions de santé intérieure, de plénitude spirituelle et de satisfaction physique. S'être défait des préjugés, c'est-à-dire de toute opinion reçue sans examen, être vertueux, se bien porter, avoir des goûts et des passions, être susceptible d'illusions, car ce sont là les quatre grandes machines du bonheur de la femme, représentées presque comme les quatre devoirs de sa vie par Madame du Châtelet dans son traité du bonheur. À cette philosophie qui étouffait tous les généreux appétits de la femme, bornait son âme de tous côtés, abaissait tous les sens de son cœur, succédait la philosophie qui allait véritablement soutenir et consoler la femme dans l'irréligion et lui conserver dans le scepticisme un appui moral. De l'observation des autres, de l'observation d'elle-même, une sorte d'examen de conscience fait avec sincérité, avec ingénuité, la femme tire la pensée et la volonté de se rendre plus heureuse, mais en se rendant meilleure. À l'aide de cette seule révélation, le sentiment du devoir, elle élargit l'image, l'action et la pratique de la vertu. Des devoirs envers elle-même, elle monte au devoir envers les autres. Développant, étendant, fixant les idées confuses de son esprit sur l'humanité, elle se fait une obligation indispensable de la justice envers tous les hommes, et la justice devient en elle une charité. Elle s'impose d'être indulgente à toutes les fautes dont le principe n'est pas vicieux, et de respecter tous les défauts qui ne peuvent nuire à personne. Elle tend, par tous les moyens et toutes les maximes, à la douceur, à la bonté, à l'agrément, à la facilité, à l'égalité d'humeur, à cette paix répandue tout autour de soi que donne le gouvernement absolu de la raison. Perfectionner sa raison pour assurer son repos, acquérir le courage de la patience pour diminuer de moitié les maux de la vie, élever son âme, en répandre la bonté, ce sont là les jouissances intérieures, supérieures aux circonstances, indépendantes des hommes, que se promet et auxquelles atteint cette philosophie de la femme, à la fois si pure et si tendre. Lisez le livre qui formule ce plan de sagesse, les confessions de Madame de Fourqueux, née Montyon. Ce beau rêve de perfection n'est point couronné par la foi. Dieu est absent de cette grande leçon morale, qu'il ne le nomme qu'une fois pour attester qu'elle ne le craint pas. Quand on s'est appliqué à bien connaître ce qu'on doit à ses semblables, qu'on apprend que pour pratiquer, qu'on est devenu juste pour soi et bon pour les autres, on peut se rassurer sur les jugements de Dieu. Dieu, ce n'était pas seulement un mot, c'était une idée qui manquait à cette philosophie. Et ce n'est qu'après avoir trouvé, de cette philosophie, tous les grands principes et tous les nobles préceptes en elle-même, que l'on voit Madame de Fourqueux, reprenant son livre au bout de 9 ans, annoncer qu'elle a acquis, dans l'intervalle, la persuasion d'un dieu. Quelques âmes se montrent au XVIIIe siècle si belles, si hautes, si aimables, qu'on les prendrait pour le sourire et le rayon de cette philosophie. Quelques femmes apparaissent qui sont toutes raison, toute sagesse et toute grâce, et dont le charme appelle autour d'elles une sorte de vénération. Elles semblent avoir reçu toutes les vertus qu'elles ont acquises, tant elles les portent sans orgueil et sans effort. Elles se prêtent au monde, et elles se plaisent avec elles-mêmes. Elles sont indulgentes aux misères des autres, comme à leur misère propre. La résignation aux disgrâces, la sensibilité, la charité, la justice, la pureté, s'unissent en elles à toutes les corrections de l'expression et de la pensée, à tous les agréments aussi bien qu'à toutes les dignités du cœur. Leur âme, en toutes circonstances, et sans jamais se démentir, ressemble à la belle peinture qu'elles se font de la vertu. Elles ne montrent rien, parce qu'elles ne croient avoir à s'enorgueillir de rien. Elles ne cachent rien parce qu'elles ne croient pas être regardées et ne s'attendent pas à être louées. Elle n'est ni vaine ni modeste parce qu'elle est simple, parce qu'elle est vraie. Et ces créatures élues, qui ont comme une sainteté mondaine, n'ont point de pitié. Elles suivent à la lettre la recommandation de l'Écriture. Elles pratiquent la vérité dans la charité, ingénument, sans rien craindre, sans rien attendre, sans rien espérer, sans rien demander, sans rien prier. Dieu leur manque et leur mérite s'en passe. Toute leur religion n'est qu'une morale. Et leur morale, qu'elle simplifie pour l'avoir toujours sous la main, se réduit à ce seul précepte, ce vaste et grand précepte, ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Une mère ne les a point formés. Leur éducation a été nulle. C'est par une aspiration personnelle, par un essor naturel, qu'elles se sont livrées à l'intuition, au goût, à la passion de ce qui est bon, de ce qui est juste. Elles se soutiennent à la hauteur de leur cœur, sans secours, par leur force propre. Elles ne recourent pas plus aux philosophes et à la théorie rationnelle qu'à la religion. Tout ce qu'elles appellent le galimatia des livres et des traités ne leur sert de rien. Affranchies de tout dogme et de tout système, elles puisent au fond d'elles-mêmes leur lumière aussi bien que leurs ressources. Et voilà que ces âmes admirables et sans tache, personnifiées dans un type angélique, Madame la Duchesse de Choiseul, font éclater dans le XVIIIe siècle une vertu qui trouve son but, sa récompense, son aliment en elle-même. Voilà que quelques femmes donnent dans ce siècle de légèreté le grand spectacle d'une conscience en équilibre dans le vide, spectacle oublié de l'humanité depuis les Antonins. Cette philosophie sans système, sans orgueil, qui donne à la femme du XVIIIe siècle plus que la gaieté, le contentement, ne la soutient pas seulement contre les misères de la vie. Elle semble la fortifier encore contre la mort et lui donner comme une facile patience de son horreur. On voit, dans le siècle, les femmes s'éteindre doucement et sans révolte. On les voit mettre à mourir une grâce aisée et quitter le monde discrètement comme un salon rempli où elles ne voudraient rien interrompre. La femme, en ce temps, est plus que douce. Elle est polie envers la mort. Pour une présidente d'Aligre, qui par peur grise son agonie, que de femmes dans toutes les conditions et les plus heureuses, le plus comblé de grandeur, quitte la vie de sang-froid, avec convenance, avec une fermeté charmante et un courage aimable. « Je me regrette, » disait simplement l'une en se détachant de la terre. « Il en est qui presse jusqu'au bout les mains de l'amitié et dont la mort ne semble qu'une dernière défaillance. D'autres s'entourent de monde pour mourir et veulent que le bruit d'un loto installé contre leur lit couvre le bruit de leur dernier soupir. On compterait celles qui ne restent pas, à leurs dernières heures, fidèles à leur vie, à leurs principes, à leur rang, à leur incrédulité même. » À cette parole de la femme de chambre, « Madame la Duchesse, le bon Dieu est là. Permettez-vous qu'on le fasse entrer. Il souhaitera avoir l'honneur de vous administrer. » Celles-ci trouvent la force de se soulever sur leur lit comme pour la visite d'un roi. Celles-là ont encore assez de volonté pour envoyer un Dieu dont elles n'ont pas besoin. Des femmes qui vont mourir appellent leur cuisinier et lui recommandent de faire bonne chère pour que la société ne déserte pas leur table. Des femmes occupent les longueurs d'une maladie lente à écrire un testament où elles n'oublient pas un de leurs parents, de leurs amis, de leurs connaissances, de leurs pauvres, un chef-d'œuvre de netteté, une merveille de calcul proportionnel. Celles-ci couronnent leur fin, l'entourent de fleurs, de danses, de comédies, de suprêmes amours. Celles-là riment leur épitaphe et enterrent gaiement leur mémoire. Quelques-unes, peu d'heures avant de mourir, arrangent des couplets satiriques. Quelques-unes font antichambre au seuil de la mort en chantant des chansons sur l'air de Joconde. C'est le siècle où l'agonie, dépassant l'insouciance, atteindra à l'épigramme. Le siècle où une princesse moribonde, appelant ses médecins, son confesseur et son intendant auprès de son lit, dira à ses médecins « Messieurs, vous m'avez tué. Mais c'est en suivant vos règles et vos principes. À son confesseur, vous avez fait votre devoir en me causant une grande terreur. Et à son intendant, vous vous trouvez ici à la sollicitation de mes gens qui désirent que je fasse mon testament. Vous vous acquittez tous fort bien de votre rôle, mais convenez que je ne joue pas mal le mien. » L'âme de la femme va à la mort, parie d'esprit, comme le corps de la princesse de Talmont va à la terre dans une robe bleue et argent. Et cependant, c'est un autre bien imprévu que la mort au XVIIIe siècle. La vie n'a guère le temps d'y penser, et le tourbillon du monde, le bruit des fêtes, l'enivrement du mouvement, l'étourdissement, l'enchantement du moment, la distraction du jour, la jouissance absolue et presque unique du présent, en efface l'image et presque la conscience dans l'âme de la femme. La mort traverse seulement son cœur. Ainsi, l'idée d'un lendemain traverserait un souper. Elle n'occupe plus ce monde, elle n'est plus la préoccupation de son imagination. Cette société, où elle frappe à l'improviste, est le contraire de ces sociétés qui vivaient dans son ombre et communiaient familièrement avec sa terreur. Au XVIIIe siècle, la mort paraît absente et n'est point attendue. Tout la repousse, tout la cache, tout la voile d'oubli. C'est à peine si sa figure paraît encore dans une église, sur un tombeau, où l'art du temps dort son squelette. Dans tout le siècle, la femme renvoie loin d'elle cette idée de sa fin. Elle y échappe, elle l'écarte doucement. On dirait que sa grâce craint d'en être effleurée. Avec quel geste de répugnance, de pudeur presque antique, elle retire la main, sitôt qu'elle touche à ses dégoûts. Si nous pouvions nous en aller en fumée, ce genre de destruction ne me déplairait pas, mais je n'aime pas l'enterrement. Ah, fille, fille, parlons d'autre chose, écrit dans une lettre Madame du Deffand à Madame de Choiseul. Cet éloignement de la mort se retrouve partout dans tout ce qu'écrit la femme. La pourriture effraie son élégance, l'ordure lui fait peur dans le néant. Et ce ne sont pas seulement les femmes philosophes qui se dérobent à cette présence de la mort que fait la pensée de la mort. La religion du temps la défend encore à la femme comme si elle craignait que sa ferveur n'en fût découragée. Les femmes les plus pieuses, celles qui donnent l'exemple et la règle, ôtent de leur devoir la méditation de la mort. Elles ne veulent pas qu'on s'attache à ses tristesses. Elles détournent leur foi et la foi des autres de cet avertissement qui effraie, de cette leçon qui afflige. Et Madame de Lambert donne, dans son accent le plus délicat, ce sentiment de la femme chrétienne du temps sur l'idée de la mort, lorsqu'elle écrit ces lignes au milieu de son traité de la vieillesse. L'idée du dernier acte est toujours triste. Quelque belle que soit la comédie, la toile tombe. Les plus belles vies se terminent, toutes de même, on jette de la terre, et en voilà pour une éternité. Ainsi s'achève La femme du XVIIIe siècle, de Edmond et Jules de Goncourt.